J'ai la flemme de t'écrire, j'en ai marre de souffrir. Je n'ai rien à te dire, pourtant il faut bien en finir. Moi j'ai envie de rigoler, mais ma plume est fourchue. Alors je me mets à dériver vers des humeurs trop connues. Mais bon voilà, j'ai commencé, et maintenant il me faut trouver les mots chocs et bien placés comme des larmes sur le papier. Moi je préférais que ce soit chaud pour séduire l'oreille des gens pressés, leur faire un sillon de mes mots pour les guider vers la clarté. Oh oui, ça c'est simple, mais ça parle à l'âme. L'essentiel du je sais, d'éviter les drames. Mais voici donc, bien infidèle, au samedi, né aux chandelles. Je vais partir en croisade, devenir bénaille, être une tornade. Pour conclure une sainte alliance, pas pour défendre Jérusalem. Moi je suis mauvais en offense, et puis la haine est si malsaine. Alors j'irai. Oh oui, ça c'est simple, mais ça parle à l'âme. L'essentiel du je sais, d'éviter les drames. C'est éviter les drames. Car oui, ça c'est simple.